isométrie cérébrale, PMC1. Cet exercice est extrêmement facile, mais nous devons le faire convenablement pour qu'il devienne bénéfique. Il suffit de compter les sons que l'on entend dans l'un des deux hémisphères de notre cerveau. Un son, on le compte dans l'hémisphère gauche. Un autre son, on le compte dans l'hémisphère droit. Ce qui est important, c'est de ne pas les compter d'une façon mémorielle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas répéter le nombre de sons que l'on a attendus. Autrement dit, on ne dit pas 2 et on répète 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3. Ce n'est pas la façon de travailler. On doit garder l'impression dans le cerveau, dans l'hémisphère que l'on a choisi, du nombre de sons que l'on a entendus. On ne s'amuse donc pas à répéter sans arrêt pour ne pas oublier. Au début, ça peut paraître compliqué. Progressivement, votre cerveau va finir par être organisé de façon à vous rendre service. Tout deviendra facile. Exemple de l'isométrie de ce comptage. Dans mon hémisphère gauche, je sais qu'il y a eu un son. Je sais qu'il y a eu deux sons. Je sais qu'il y a eu trois sons. Je sais maintenant dans mon hémisphère droit qu'il y a eu un son. Je sais dans le gauche qu'il y a eu quatre sons. Je sais dans le droit qu'il y a eu deux sons. Je sais dans le droit qu'il y a eu trois sons. Et ainsi de suite. Sur le reste de cet enregistrement, vous aurez différents exercices sonores et dans votre livre de cours, vous retrouverez les corrections. Chaque fois que vous entendrez ceci, cela voudra dire que l'exercice que vous venez de faire est terminé. Les sons qui vont suivre sont un autre exercice. Bon travail. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Exercice numéro 5. Exercice numéro 6. Exercice numéro 7. Exercice numéro 8. Exercice numéro 9. Exercice numéro 10. Exercice numéro 11. Exercice numéro 12. Exercice numéro 13. Exercice numéro 14.